Vous avez reconnu le générique. Aujourd'hui dans l'histoire, c'est avec vous, on remonte le temps, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 26 février de quelle année ? De l'année 1815, Napoléon décide de s'évader de l'île d'Elbe, tout petit territoire entre la Corse et l'Italie. C'est là que les alliés vainqueurs l'avaient assigné à résidence sous contrôle étroit. Une déchéance pour celui qui hier encore était le chef d'un des plus grands empires de l'histoire. Alors comment et pourquoi s'en va-t-il, Franck ? Ah ben il s'en va par exaspération et sans doute aussi parce qu'il s'estime en danger. On sait aujourd'hui que des complots étaient véritablement fomentés contre l'ancien empereur. Louis XVIII, le premier, n'aurait pas été fâché de le voir disparaître. Donc, Napoléon prépare son évasion, si l'on peut dire. Il est renseigné par des espions qui lui rapportent des nouvelles de France, qui le rassurent sur sa popularité dans le pays. Il a bien préparé son coup et en ce soir, donc du 26 février vers 19h, on le voit se diriger vers le port et embarquer sur un brick baptisé l'Inconstant, vous avouerez que ça ne s'invente pas, il est suivi de 6 autres navires quand même. Mais dites-moi, personne ne surveille ce port ? Alors si, habituellement, il y a un représentant anglais qui est là, seulement cette nuit-là, justement, il s'est absenté. L'empereur va débarquer à Golfe-Juan près d'Antibes le 1er mars. La rumeur de son retour se propage, les rangs grossissent déjà, il se met en route. Bientôt, les troupes du 5e régiment d'infanterie se portent au-devant de lui pour l'arrêter au nom du roi. Près de Grenoble, ils sont un petit peu hésitant, il s'agit tout de même de leur ancien chef, hein. Donc Napoléon est là, qui s'avance, il est à portée de fusil, il ouvre sa redingote, vous connaissez la scène. « S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voici !» Personne ne bouge, tout le monde est pétrifié, il y en a qui baissent leurs armes, bref, on se rallie, la messe est dite, l'empereur va regagner Paris et son retour va durer 100 jours, vous connaissez ça bien sûr, jusqu'à Waterloo. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Ah, et nous parlerons d'un personnage extraordinaire, Basile Zaharoff, ce sera l'occasion d'évoquer l'espionnage pendant la Grande Guerre. Merci Franck, à tout à l'heure, 5h58 sur Europe 1.